Et si tout cela n'existait pas, que tout était mis en scène autour de moi, les gens tous des figurants, et moi tout seul et ignorant. Et si quelqu'un, je ne sais pas pourquoi, avait patiemment organisé tout ça, des années de répétition, et moi tout seul comme un con, on ne saura peut-être jamais si je délire ou si je dis vrai. Que les dés sont joués et que même ça s'est planifié, on ne saura peut-être jamais si je délire ou si je dis vrai. Comme ces animaux qui naissent dans un zoo et qui vivent en croyant être dans la savane. Croyant être dans la savane, et qui vivent en croyant être.